$50 de tatouages celtiques, 2 certificats cadeaux de $50 du Pied Bleu et 4 certificats cadeaux de $10 du Resto L'Écoloc. C'est simple. Appelez et gagnez! Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical pour votre rendez-vous hebdomadaire, 2 heures de bon progressif. On est avec vous jusqu'à minuit. Alors, on a beaucoup de nouveautés, des extraits, en fait, deuxième extrait de beaucoup de nouveautés qui ont été présentées dans les 2 dernières semaines par Michel et Bruno. Michel et Jean-François. Bruno aussi, il était là, même s'il les présentait pas, là, il les a fait jouer. Et oui, il y a eu beaucoup de nouveautés qui sont rentrées, puis des choses, vraiment des bons disques, là, qui m'ont surpris, dont le dernier plus récent, The Watch, 7. Bon, c'est un groupe italien, on les a vus plusieurs fois au Québec. Ils sont spécialisés dans l'hommage à Genesis, mais ils font leur propre musique. Je dirais que pour celui-là, là, j'ai été agréablement surpris du début à la fin. C'est super bon. Puis je trouve qu'il s'éloigne du son de Genesis pour vraiment arriver avec un disque qui a vraiment sa personnalité. J'ai adoré d'ailleurs la pièce que j'ai choisi de vous faire entendre ce soir. Est assez différente de ce que The Watch présentait habituellement. Là, j'aime beaucoup ça. Quand on a plein de surprises, c'est ce que j'aime de découvrir des nouveaux disques de rock progressif. On aura également The Samurai of Prog. Celui-là aussi, il est vraiment bon. On We Sail, leur nouvel album. Et ben, en plus, une super belle pochette. Vous savez que c'est celui qui est derrière la production des projets Colossus, de la maison Colossus, Marco Bernard, qui joue de la basse, et Steven Rule, un Américain, et Kimo Porsti, qui fait la batterie. Alors, ils sont de 3 origines différentes, et c'est eux qui sont le noyau, le cœur de Samurai of Prog. Puis là, il y a plein d'invités, et il y a des invités sur toutes les pièces, dont Steve Hackett, Lucas Kerani et Michel Young dans la pièce que j'ai choisie. Lucas Kerani qu'on a pu voir là avec Fabio Zuffanti, Austin Athènes au Festival Terra Incognita, et également qui a joué avec Il Paradiso degli Orchi pour cette pièce intitulée Theodora. Vraiment intéressant. Oui, est-ce que je vous parlais tantôt de Seven, et ce qu'on entendra, c'est la pièce Disappearing Act. Mais pour débuter, on va y aller avec Bjørn Riis, qui est le guitariste de Airbag, un groupe norvégien, tiré de son nouvel album Forever Comes to an End. On débute avec la pièce titre de cet album, Forever Comes to an End. We'll let you go out of my life. And I want you here. I need you by my side. We'll be right back. on, ramble on. Now you see me, soon you won't. Drowning in noise, damn you all. Goodbye, hit the rail. All is lost, all is found. The emptiness, karma won't drown. No one will miss you. Be in care, you can't wait. And you said it couldn't be done. Living for the gods, in the middle of the game. Screeching halt. Nothing escaped, revealing shame. It's all done. It's all gone wrong. Sleep out the dark. You are not young. You pulled it off, threw it away, left a trace. Gone today. My life will go on. Future motion open wide. No adult shot, small talk. Life will resume, dilute your soul in the sea. It may harm your dead world. No light is alright, all makes sense in the end. Heartless earth, social unease, know what that means. It's all done. It's all gone wrong. Sleep out the tongue. You are not young. You pulled it off. Threw it away. Every trace. Gone too. Today. dusty rose, front door ajar, inviting to enter. Stone walls and lakes of tears on the floor. Voice of her heart, vanished and lost, or waiting. Ça, c'est le nouvel album de Samurai of Prague. C'est un projet multinationalité. Et ce qu'on a entendu, la participation sur cette pièce-là, il y avait Lucas Kerani, un Italien qui a beaucoup de talent dans l'orchestration, qu'on a entendu avec Ossonatine, avec Il Paradiso degli Orchi au festival Terra Incognita, et qui a également le clavieriste de La Cosienza di Zeno, et qui fait une carrière solo. Alors, un bonhomme fort talentueux. Il y avait Michel Young qui chantait sur ça. C'est une chanteuse américaine. Et bon, au violon, Stephen Roux, Kimo Porsti, Marco Bernard à la basse, et Ruben Alvarez aux guitares électriques. Ah, c'est un super bon album. Il y a aussi comme participation David Myers, qui est un Montréalais, qui jouait avec The Musical Box, qui fait sur au moins deux pièces. Il y a beaucoup de belles participations sur ça. C'est Giacomo Oldblupo de White Willow, entre autres. En tout cas, c'est leur meilleur album. Là, il n'y a pas à dire. C'est la première fois qu'ils font un album entièrement de composition. Au début, ils faisaient des interprétations. Moi, ça m'intéressait un peu moins. Mais franchement, celui-là, une super belle surprise. Ça risque de se classer là, dans les palmarès là, des meilleurs albums pour plusieurs fans de rock progressif. The Samurai of Prague, On We Sail. On avait eu juste avant The Watch, leur tout nouvel album, Seven. Et c'était la pièce Disappearing Act. C'est la pièce la plus différente de l'album. Là. Il est très bon du début à la fin. Il y a Steve Hackett sur une pièce. D'ailleurs, c'est une pièce de Steve Hackett où les paroles sont de Steve Hackett. The Hermit sur cet album-là. Alors, pardon. On a eu pour débuter Bjørn Riis de la Norvège, guitariste de la formation Airbag. C'est son plus récent album, Forever Comes to an End. Ben, en part de ça, ben, je vais vous parler de King Crimson ce soir, puisque c'est un de mes groupes préférés, puis c'est grâce à King Crimson que j'aime le prog autant. Et ben, ils seront à Québec, puis à Montréal, là, donc le 3 juillet à Montréal, à la salle Wilfrid Pelletier, et le 7 juillet au Centre Vidéotron, en formule concert. Et j'ai très hâte. Là, sur cette formation-là, il va y avoir 4 batteurs et les autres musiciens qu'on avait pu voir en 2015. Et on aura tantôt des pièces là, qui sont comme les nouvelles pièces Radical Action, Meltdown. Et on va souligner évidemment la venue de King Crimson bientôt. Parlant de spectacle, ben, y a pas mal de choses qui s'en viennent. Dans les grands noms, là, il y a Yes, Anderson, Rabin et Wakeman le 18 septembre au Grand Théâtre. Ils sont à Montréal au Saint-Denis le 19 septembre à Montréal. Ils font également à Toronto. Et il y a également The Moulettes au Palais Montcalm. Ça a été annoncé il n'y a pas longtemps. Là. Il avait fait la première partie de Three Friends. Il y a plusieurs filles dans ce band-là, violoncelliste, tout ça. C'est super bon. Moulettes, coup de cœur que j'avais eu à ce moment-là. Donc, ils reviennent au Palais Montcalm. Il y a Roger Waters. Vous le connaissez, celui-là. Il a fait partie de Pink Floyd. Et on écoutera certainement une pièce en fin d'émission. Oui, il sera au Centre Vidéotron les 6 et 7 octobre. Et le 8 octobre, le groupe italien Unreal City qui vient en Amérique, au Canada, pour faire un seul spectacle pour présenter leur nouvel album Frammenti Notturni à l'Anti. Il faut contacter Michel pour avoir des billets, Michel Bilodeau, sur nos adresses courriel habituelles. D'ailleurs, allez faire un tour sur notre site web www.terraincognita.québec et dans la section radio, ben, vous aurez les contenus musicaux, vous aurez également accès directement au podcast à partir de là. Et ben, y a pas mal de bonnes choses qui s'en viennent. Donc on va y aller avec une pause, et au retour, Nexus, un second extrait du superbe nouvel album intitulé En el comienzo del Topos Uranos. On aura la pièce Un cristal bajo el agua, et ça sera de Nexus. Il y aura également Big Big Train, la formation du Royaume-Uni, avec une superbe pièce, leur nouvel album Grimspond. On y va en pause, et au retour, il y aura Nexus et Big Big Train. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Allô, c'est Jessica Leb. Du 19 au 23 juin, écoutez Première Loge et participez au tirage d'une paire de billets Zone Avant-Scène pour le concert des Cowboys Fringants le 11 juillet au Festival d'été. Quatre chanceux seront éligibles au tirage final qui aura lieu le 6 juillet en ouverture de l'émission spéciale du Festival d'été de Québec. Bonne chance! La. CKRL. À Québec.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. En juin, voyez au cinéma Le Clap, Tana dès le 2 juin, Megan Levy dès le 9 juin, Un sac de billes dès le 16 juin, L'embarras du choix dès le 23 juin et Baby Driver dès le 28 juin. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Cet été, offrez-vous des vacances de rêve dans le plus grand réseau de plein air du Québec. La CEPAC offre des aventures pour tous les goûts aux quatre coins du Québec. Profitez-en pour respirer le grand air, attraper un poisson, fouler des kilomètres de sentiers, naviguer sur l'eau et dormir à la belle étoile. Des vacances qui laisseront de merveilleux souvenirs à jamais, aux petits comme aux grands. Planifiez votre séjour dès maintenant à CEPAC.com. Et de retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. Ce que vous avez entendu juste avant la pause, c'était Steve Hackett. Vous l'avez probablement reconnu. C'est de son plus récent album, The Night Siren. C'était la pièce Inca Terra. Inca Terra, la terre des Incas. Et il y a des belles... c'est super bon cet album-là. Il y a des belles collaborations. Beaucoup d'inspiration encore pour Steve Hackett. Juste avant, il y avait eu Big Big Train, leur plus récent album, et la pièce Med Hall in Winter. Et mais vous voyez tout le talent qu'il y a dans ça. Il y a d'ailleurs Richard Schoblum qui joue dans avec eux maintenant, avec Big Big Train, et on entendra une pièce de son plus récent album un peu plus tard dans l'émission. Mais on va débuter avec Stuart Bell. C'était le claviériste de Citizen Kane et The Entire Timbre of Being Part 2. Et sur ça, ben, il y a la collaboration de Simone Rossetti de The Watch et Arjen Lucassen qui se partagent les voix. On entendra la suite Early Days Suite de cet album, The Entire Timbre of Being Part 2. Et ensuite, on enchaîne avec King Crimson qui seront en spectacle, comme je le disais, le 7 juillet au Centre Vidéotron. Et ça, là, je pense que c'est à ne pas manquer, hein, parce que ce que j'ai vu, ils ont changé pas mal là, les pièces qu'ils jouent. Évidemment, ça reste les plus grandes pièces. Mais il y a également des pièces de Lizard cette fois-ci qui en avaient. En fait, j'ai bien hâte d'entendre ça. Et presque tous les albums sont représentés. Dans cette série de concerts, là, j'ai vu un peu la liste des pièces qu'ils ont jouées, puis ça change d'un soir à l'autre. Alors, King Crimson, on aura donc, c'est tiré de... j'ai reçu ça en début d'année. Ça a été enregistré l'an dernier. On s'est enregistré en 2015 et ça a pris un certain temps que ça soit publié. Et ça s'appelle Radical Action, The Unseat, The Hold of Monkey Mind. On aura des nouvelles pièces qui sont Radical Action, Meltdown, Radical Action 2. Une nouvelle composition. Puis là, j'ai vu qu'il y avait dans les listes là, Radical Action Part 3 qui serait une nouvelle pièce en travail de King Crimson. Donc, on ira d'abord avec Citizen Kane's Stuart Bell, The Antechamber of Being Part 2. Thank you. leads me to a table filled with earthly delights. I partake in the most sumptuous supper that I have ever known. Egos manifest, but the taste turns sour like the inside of my mouth. You find yourself I'm a spaceman, when I fall. failure. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Du 29 juin au 2 juillet, Québécois présente, en collaboration avec Hydro-Québec et le mouvement Desjardins, la 34e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Pour l'occasion, des navettes partiront de la gare centrale de Québec vers Tadoussac, jeudi 29 et vendredi 30 juin à midi. Retour vers Québec également offert, lundi 3 juillet à 9h et 10h. 40$ pour l'aller-retour, 20$ pour un aller simple. Informez-vous au 1-866-861-4108, une invitation de la bière Belle Gueule. CKRL 89.1. Blammo! Maybe something's happening to me. I'm blammed out. Et de retour avec Bruno et Marc, ce qu'on entendait juste avant la pause, c'était le groupe italien Universal Totem Orchestra et leur plus récent album paru en tout début d'année. Ça, c'était une des premières découvertes de cette année qu'on a fait jouer et que j'aime beaucoup. Mathematical Mother, c'était la pièce Codice Y16. Alors... je sais pas comment ça se prononce. Et c'est justement, je vous invite à visiter notre site pour voir les contenus musicaux des pièces qu'on fait jouer. On avait eu juste avant King Crimson tiré de leur nouvel album live Radical Action, et c'était les pièces Radical Action to Unseat the Whole of Monkey Mind, Meltdown et Radical Action 2, de nouvelles compositions. Pour cette nouvelle incarnation de King Crimson, peut-être une des dernières. Alors manquez pas ça, les 3 juillet à Montréal et 7 juillet à Québec prochain. Alors on ira en musique maintenant avec Gongfly. C'est en fait Richard Sjöblom qui est le chanteur de Bearfish, donc c'est les Suédois. Et son nouvel album On Her Journey to the Sun, on aura la pièce Of the Orb. Ensuite on y va avec un groupe québécois. Deux groupes québécois. Où est-ce qu'on va avoir le temps? Oui, on devrait avoir le temps. Alors, on aura Myriador du plus récent, leur plus récent album, Signal 9. Et on aura la pièce Venin. Et également, un autre groupe québécois, puisque Jean-François, la semaine prochaine, et France ont déjà promis d'être là pour la Saint-Jean-Baptiste et de faire jouer plusieurs groupes canadiens ou québécois dans le prog. On ira donc avec le groupe de Deep Project, Stéphane Desbiens, et l'album Making Sense, son plus récent album avec Out of Range, Out of Line. Mais tout d'abord, on y va avec Richard Sjöblom. Maybe this is all a dream. Do you miss them? Ask the healer. To which they each reply. Got my own way of seeing these things. I got my own way of dealing with these things. See the sun on the horizon, slowly setting. Paint our city red. Make way for the night, for the cinema show. Slowly dying. Tomorrow reborn, I feel the heat touching my soul. I feel the heat of the Oh,

Do you miss them? Got my own way of seeing these things. Got my own way of dealing with these things. See the sun on the horizon, slowly setting, painting.

voice comes to my mind. My brain is rewinding, looking for better times. But all the picture is missing. I'm lost in the time zone, but I keep on searching to find my way back home. Groupe de Québec, The Deep Project, tiré de l'album Making Sense, c'est leur plus récent, qui est paru en 2014, et c'était la pièce Out of Range, Out of Line. Et ceux qui se souviennent, c'était au départ le groupe Sense, donc Making Sense. Il y a un clin d'œil avec les débuts du groupe Sense qu'on a eu l'occasion de voir quelques fois au Festival Terra Incognita dans les toutes premières éditions, les deux premières éditions. Et bon, mais c'est déjà la fin pour nous. Juste avant, ben il y avait le Myriodor, un groupe qui a débuté à Québec, mais qui sont de Montréal. Le plus récent album, ça vient tout juste de sortir, Signal 9, leur neuvième, et la pièce Venin. Et on avait débuté avec Richard Schoblum. Alors, restez les nôtres pour l'autoroute avec Jacques Dulac dans quelques moments, quelques minutes. Et on vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. Bonne semaine. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Ba-ba-ba-ba-ya! À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle. La vannerie, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un peu comme le tissage de panier. L'artiste Elisabeth Picard utilise le tie wrap comme matière première et le détourne de sa fonction usuelle. Présentement, je suis à Québec, à la Maison des métiers d'art, afin d'effectuer une résidence de recherche en peinture. Tous les talents d'ici, une seule adresse. Alors, c'est un échange, puis c'est ça le but de faire une résidence ici, c'est de nourrir les autres et d'être nourri par le lieu. Lafabriqueculturelle.tv.